c'est mon cadeau, puis c'est mon cadeau. Elle sait très bien que pour elle, je peux finir au cachot. Elle veut qu'on parte. Pour aller où? Pour aller où? Elle, c'est mon cadeau, puis c'est mon cadeau. Elle sait très bien que pour elle, je peux finir au cachot. Elle veut qu'on parte. Pour aller où? Pour aller où? Je dégaine un gros fer, maison notaire. Je sors la nuit tard, siesta toute la noche. Je suis dans les temps, je sors plus quand t'es. Maman, j'ai fait rentrer des thunes, on est tous refaits. Je vois les rageux, la table en face. Je suis sur mon bateau, c'est l'aimé naufragé. Je vois les rageux, la table en face. Elle, c'est mon cadeau, puis c'est mon cadeau. Elle sait très bien que pour elle, je peux finir au cachot. Elle veut qu'on parte. Pour aller où? Pour aller où? Elle, c'est mon cadeau, puis c'est mon cadeau. Elle sait très bien que pour elle, je peux finir au cachot. Elle veut qu'on parte. Pour aller où? Pour aller où? Je lui offre un bouquet. Restaurant Fouquet, bébé fait dodo, papa est en choquette. J'suis dans les temps, Daytona Rolex. Maman, j'ai fait rentrer des thunes, on est tous refaits. Je vois les rageux, la table d'en face. J'suis sur mon bateau, c'est l'aimé naufragé. Je vois les rageux, la table d'en face. J'suis sur mon bateau, c'est l'aimé naufragé. Elle, c'est mon cadeau, puis c'est mon cadeau. Elle sait très bien que pour elle, je peux finir au cachot. Elle veut qu'on parte. Pour aller où? Pour aller où? Elle, c'est mon cadeau, puis c'est mon cadeau. Elle sait très bien que pour elle, je peux finir au cachot. Elle veut qu'on parte. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où?